Sinon, l'enfant, toujours conscient au-delà de la mort, blessure ouverte dans les pupilles, qui regarde encore là où il n'y a que la police automatique de fichage des ombres et des grimaces qui marche de ses votes des revenantes. J'ai mangé au sommet, affamé l'œuf puant de l'aigle, son seul souci. Dans son orbite, l'œuf du Saint-Esprit porte la chauve-souris. Sinon, l'enfant toujours, libre ou inconscient d'être esclave, s'égaille du singe, du dessin d'un canard et d'un lapin. La philosophie est pure comme de l'eau d'un songe, ou la touffe de romarin et de menthe sur la tombe de l'ange. J'ai mangé au sommet, affamé l'œuf, puant de l'aigle, son seul souci. Dans son orbite, l'œuf du Saint-Esprit porte la chauve-souris.